Vincent, petit, c'était quelqu'un de très actif, qui avait une vie sociale tout à fait normale. On avait souvent des copains à la maison avec des enfants de son âge, et même c'est quelqu'un qui prenait des décisions, qui était plutôt meneur. Quelqu'un de très vif, hein, vraiment, fallait le suivre même parfois. Et à contrario, parfois, qui est quelqu'un qui pouvait jouer dans son coin et qui était très pris par peut-être ses pensées. C'était un garçon qui était calme et posé, et peu à peu, on s'est aperçu qu'il s'est un peu renfermé sur lui-même, et il s'est un peu, comment dirais-je, éloigné des choses de ce monde. On ne savait pas ce qui s'était passé, et on ne pouvait pas mettre de nom sur ce mal-être. Ce qu'on appelle une décompensation, ce qui a provoqué des maladies qu'on appelle la schizophrénie. Certaines personnes développent une maladie psychiatrique et tombent dans ce qu'on appelle une psychose. Après, ça s'est plutôt gâté, c'est au niveau de l'adolescence, au moment de l'adolescence, mais il y a eu aussi beaucoup d'événements qui ont pu faire que le tempérament a pu changer. Vincent a commencé à un peu être moins assidu scolairement. Les résultats ont été beaucoup moins bons alors qu'il était très bon élève, hein, vraiment très bon élève. Et où j'ai dû faire face à des situations assez conflictuelles avec lui, au point que même parfois on en est arrivé presque physiquement à ce voilà, ça a été assez dur, assez violent. Ça aurait pu se terminer en hôpital psychiatrique à vie. On était abattus, mais on n'avait pas encore vu ce que ça entraînait vraiment, puisque comment s'appelle, on connaissait pas du tout cette maladie, et on ne connaissait pas tous les tenants, les aboutissants, et ce que ça pouvait entraîner, quoi. Au début, on s'est dit, bon, bah, après tout, ça peut être quelque chose qui peut être temporaire et que ça peut se soigner et puis revenir dans comment dirais-je, dans les rails, quoi. Je ne pouvais pas douter que Vincent soit collé lui. Je voyais que ça allait pas bien, effectivement. Mais j'ai jamais pensé, non, j'ai jamais pensé à ça. J'ai été confronté moi-même à l'anorexie, boulimie, mais je n'ai jamais été confronté à ce type de mal-être, donc j'étais loin d'imaginer que ça aurait pu arriver. Tout ce n'était pas dans l'adolescence. Donc l'adolescence, il y a un tas de mots, un tas de bouleversements qui se font, et c'est pas forcément inquiétant pour le futur. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire, quelles sont les possibilités. On est démuni par rapport à cette maladie, et par tout le monde, la personne qui est en face de toi, tu n'as plus l'impression de la connaître. C'est-à-dire qu'elle est complètement partie sur un autre, on pourrait dire presque sur une autre planète, et que tu peux essayer de discuter avec elle, mais quand elle est dans ce stress, sur ce stress, on peut appeler ça un stress, elle est complètement, on peut pas y accéder, quoi. Elle est un peu enfermée sur elle-même, mais tu sais plus comment faire, quoi, parce que la personne qui est en face de toi n'est plus la personne que tu as connue. T'as l'impression de battre une personne que tu ne connais pas. Alors ça crée effectivement des. Tu n'as plus d'emprise sur elle, tu n'as plus du tout de. Tu sais plus quoi faire, quoi. Et c'est très compliqué, effectivement. Mais on est dans le sujet. Donc quand on est dans le sujet, c'est une fois que tout ça s'est passé, on le voit différemment. Mais quand on est dans le sujet, on fait face. On est dedans. Donc on cherche une solution, on est présent, quoi. On était deux, on était avec ma femme. Donc on se sent déjà un peu moins seul, on se sent même beaucoup plus solide, et puis on a eu beaucoup d'informations de par Internet, de par et puis là où était Vincent, on a pu discuter avec différentes personnes qui nous ont expliqué un peu qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qui était souhaitable, quoi. Quand on est maman, on est toujours démuni quand il arrive quelque chose, et par moments, on pense qu'on va pas pouvoir réussir, qu'on va baisser les bras et que tout s'en va en miettes, quoi. Heureusement, j'étais super accompagnée, un compagnon qui me soutenait et qui soutenait Vincent, puisque ça aussi, c'est très important. Donc je pense que la structure familiale à ce moment-là a été assez forte pour pour faire face. On voyait quand même que quand je le voyais juste après une crise, il était totalement abattu, totalement. Il n'y avait plus personne, quoi. Il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Quoi. Et ça, effectivement, ça, il n'y avait pas ça avant, ça c'est certain. Une fois qu'il a été admis à l'hôpital psychiatrique, ça a été beaucoup plus facile. On a beaucoup parlé. On a rencontré un médecin qui était très bien, être présent à l'hôpital, écouter, savoir ce qu'il ressentait. C'est au jour le jour et savoir quelles sont les évolutions, les traitements, etc., ce qu'on peut faire. Tout ça c'est au jour le jour, mois après mois, et puis observer les changements. Et on a été là tout le temps pour l'accompagner. On commence à être un peu plus armé pour affronter cette maladie et savoir se comporter, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut espérer et ne pas espérer, quoi. Et apporter le meilleur conseil à la personne qui est malade, quoi. Enfin, malade, on va dire malade, mais qui est dans le mal-être. Après la maladie, évidemment, il y a un comportement avec les médicaments qui est aussi difficile. Parce que la personne n'a pas toutes ses capacités. Il y a évidemment une énergie qui n'est plus là, quoi. On sent que la personne est un peu perdue. Et c'est les médicaments aussi, hein. C'est un peu compliqué, effectivement. Ouais. C'est pour ça que je dis que maintenant, le Vincent d'aujourd'hui n'est plus du tout le Vincent que j'ai connu au début de la maladie, un peu gavé de médicaments, sous le... C'était un peu compliqué, un peu endormi. Je pense qu'il était prêt, donc à ce moment-là, le médecin lui a proposé diverses possibilités, dont une formation à Billier, je ne sais pas si ça existe toujours, mais l'exemple d'un... d'une structure où on accueille justement les gens qui ont des maladies psychiatriques et on les forme et ils sont suivis par des psychiatres, et là c'était vraiment le Graal pour moi. Quand il y a eu la piqûre, c'était plus pareil. Vincent a commencé à revenir dans le monde vivant, c'est-à-dire qu'il a commencé à dormir un peu la nuit, vivre le jour, et là c'était plus du tout pareil. C'était... Après il a commencé à échanger, il a commencé à voir du monde, et là nous on était... C'est ça qui a fait la différence, et là maintenant on était rassurés, quoi. Disons rassurés, on est toujours inquiets, on n'avait pas à dire qu'on est pleinement rassurés, parce qu'il suffit qu'il ne fasse pas ses piqûres, ou qu'il refuse d'un seul coup, on peut retrouver dans des drôles de choses, quoi. Mais les choses terribles, mais là pour l'instant, ah oui, depuis qu'il s'est pris en charge lui-même, c'est très bien. Je crois que quand on vit quelque chose comme ça, on n'est pas trop dans la réalité, on le vit, c'est concret. Donc, je me suis rapprochée de Vincent, puisque c'était très compliqué avant. Il y a toute une période où on avait du mal à communiquer. Il ne faut pas rester dans son coin, il faut même que la personne elle-même... Restez pas dans un cocon familial trop restreint, puisque on s'épuise. Il faut une ouverture, il faut vraiment chercher l'ouverture. Oui. Mais c'est un échange. C'est un échange entre la famille et la personne qui est elle-même au centre de la maladie. C'est elle qui fait que ça change aussi. On est là pour accompagner, mais c'est la personne qui est au cœur de la maladie, qui va faire que les choses évoluent. Bien s'entourer. De ne pas rester dans son coin, surtout pas. D'en parler et d'aller effectivement essayer de trouver dans le médical les personnes qui sont les plus appropriées à connaître et à prendre en charge ce type de maladie. Et avoir peut-être la chance qu'on a eue en connaissant ce médecin qui a orienté Vincent vers une structure qui a commencé, où ça a été le début, je pense le début du renouveau pour lui, quoi, hein, du d'une nouvelle vie. On dirait tout de suite à la personne essayer de réagir le plus vite possible, quoi, pour empêcher qu'il s'enfonce et essayer de trouver les traitements qui lui permettent de ne pas tomber trop bas, quoi. Ça, c'est certain. Et maintenant, il existe beaucoup de traitements. La médecine a fait beaucoup de progrès, heureusement. Mais c'est sûr que là, on se battrait aussitôt et réagirait beaucoup plus vite et pousser les gens autour de nous, au milieu médical, à agir pour qu'on puisse y apporter le meilleur confort et la meilleure assistance la plus rapide. Il y a une grande part de culpabilité aussi. Pourquoi ? Pourquoi c'est arrivé et comment ça peut arriver ? Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Donc, effectivement, c'est toute une recherche. Parfois, on se fait mal, effectivement. Mais c'est surtout ce qu'on peut faire, parce que quand on voit quelqu'un, c'est... Alors, le Vincent d'aujourd'hui n'est pas le Vincent que même qu'on a connu, même au début de l'hospitalisation. Il a énormément évolué. C'est fabuleux, quoi. Enfin, pour nous qui l'avons vu évoluer, c'est un gros cadeau. Moi, je suis content de Vincent parce que je savais qu'à l'origine, il y avait une bonne base. Donc, ça, je le dis franchement, même Vincent, quand il n'était pas bien du tout, je me suis toujours battu pour l'aider parce que je savais qu'il y avait une bonne base et qu'il voulait s'en sortir. Et son côté profondément gentil, ça m'a conforté dans l'idée de me battre pour lui. Et de l'aider. Dans sa maladie, il a été vraiment acteur, quoi. C'est pour ça, je pense, qu'aujourd'hui, on peut dire que même quelqu'un qui est atteint de schizophrénie peut s'en sortir, puisqu'il peut arriver à vivre des choses très belles. Et puis, ce qui nous a rassurés aussi, nous, ce qui nous a aidés, c'est que Vincent s'est pris en charge lui-même pour beaucoup, à 70-80%. Donc automatiquement, on s'est dit, ben, ça c'est bien, c'est qu'il veut s'en sortir. Et ça nous a bougrement réconfortés, parce que sinon, si on voyait qu'il n'y avait que nous, si lui il fait déjà pour 50%, vous ne pouvez pas le faire, nous avec nos 50%, c'était pas suffisant pour que ça puisse espérer qu'il s'en sorte, quoi, qu'il s'en sorte et qu'il aille beaucoup mieux, quoi. Et là, ça j'en suis certain. Quand je vois Vincent aujourd'hui, je suis tellement heureuse de le voir comme ça que je trouve qu'il y a une telle prise en charge et une telle énergie qui s'est mise dans ce processus de maladie que non, j'ai pas envie de dire qu'il s'est passé tellement de belles choses. Évidemment, on pourrait toujours tout remettre en question, mais non, je pense que c'est très bien comme ça.